peu peur de me répéter. À trop le dire, c'est galvaudé. Le langage n'est pas assez riche. Tout simplement, je t'aime, ma biche. Ce que je ressens, indescriptible. Un mélange de jouissance, d'extase, de plénitude et d'abondance. Je me noie, c'est si bon, l'essence. J'avale la tasse et son café. Comme j'ai du bol à tes côtés, tu me donnes bonheur et courage. Je m'extasie et suis en nage. Quand je te serre, je suis aux anges. Sans des trucs, je te raconte pas. Une énergie, un flux intense. Un tel bien-être, tout à la fois. Et ce sourire et cette fraîcheur. Ton âme est belle, ma petite sœur. Je te chéris sous les tropiques. Et je me pique à tes manies. Je fume tes clopes, tu bois ma bière. Ta seule présence me désaltère. Ton oasis et ton iced tea me réussissent, ô ma chérie. Je me rappelle bien tendrement notre rencontre sur cette terrasse. Il faisait beau, ça me terrasse. Je venais d'avoir 37 ans. Je n'avais pas encore dormi. M'apparaît comme dans un rêve. Je me réveille et tu es là, enchanteresse, ma douce merveille. Ce que je ressens, indescriptible. Un fabuleux voyage sismique. Il faudrait que je relise la Bible. On parle de nous en troisième page.